Oh, mais ouais, ça fait sens! Le gars avait bien trop à perdre avec un polichinelle dans le tiroir de sa maîtresse! Je peux tout à fait faire bosser mon équipe là-dessus dès que possible. Je pense que vous tenez un truc.